Yesterday, I explained the seven benefits of practicing Vipassana meditation. When we practice Vipassana meditation, according to the Satipatthana Sutta, we can get seven benefits in our present lifetime. Hier, je vous ai parlé des sept bénéfices qu'amène la pratique de la méditation Vipassana. Lorsqu'on pratique la méditation Vipassana, conformément aux instructions du Satipatthana Sutta, on obtiendra tôt ou tard ces sept bénéfices et on les obtiendra dans cette vie même, pourvu que nous soyons attentifs. Le bénéfice majeur de la pratique de la méditation Vipassana, c'est l'atteinte du noble chemin et du noble fruit et la réalisation de Nibbana. Parce que lorsque nous aurons réalisé Nibbana, que nous aurons donc atteint l'illumination, nous fermerons à tout jamais les portes des quatre mondes inférieurs. Nous devons donc comprendre que si nous pratiquons cette méditation, c'est dans le but d'atteindre le noble chemin et le noble fruit. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement et vous expliquer comment il faut pratiquer correctement Vipassana. Avant de vous expliquer comment il faut pratiquer Vipassana de façon correcte, je voudrais vous expliquer la nature de notre esprit. Celui qui ne pratique pas la méditation Vipassana ne s'occupe pas de son esprit. Il le laisse penser librement. Il le laisse penser au passé, il le laisse penser au futur, il le laisse penser aux expériences présentes. Mais en laissant ainsi son esprit tout à fait libre, il ne note pas. Et forcément, si nous parlons du passé, du présent, du futur sans être attentifs, ces pensées vont s'accompagner de désirs et d'attachements. Ceci, ce n'est pas la méditation. Si ces pensées sont agréables, nous allons nous mettre à aimer. Aimer, c'est le désir. Si ces pensées sont désagréables, nous allons devenir tristes. Nous ne serons donc pas en paix, nous ne serons pas heureux. Le désir va se développer de plus en plus, va se manifester de plus en plus souvent, de même que la peur, l'inquiétude, etc. Tout simplement parce que nous ne sommes pas attentifs, nous ne notons pas, nous n'avons pas sati. Si donc nous voulons expérimenter la véritable paix, le véritable bonheur, nous devons apprendre à être attentifs. C'est l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha nous dit que le premier bénéfice de la méditation Vipassana, c'est la purification des êtres. Nos esprits sont contaminés en permanence par les souillures, par les kilesas, comme par exemple l'avidité, la colère, l'orgueil, l'égoïsme, tout cela, ce sont des souillures. Et chacun aura des souillures selon son tempérament. Parfois, le désir sera très développé. Parfois, ce sera plutôt la colère. Dans la colère, il faut inclure les peurs, les inquiétudes. Ce sont des formes atténuées de colère. Il y aura également de l'orgueil, de la vanité, de l'ignorance. Tout cela, ce sont des kilesas. Tant que nous aurons ces impuretés, ces souillures dans notre esprit, il ne sera pas possible de vivre heureux et en paix. Ces souillures mentales vont apparaître en nous par les six portes sensorielles. Par l'œil, par exemple, si un objet agréable se présente, nous allons nous mettre à l'aimer. Aimer, c'est le désir. Le désir est de deux sortes. Il y a d'abord un désir relativement faible, mais il y a également un désir très fort, un désir qui n'est pas le désir ordinaire. La personne qui est prise par ce désir très fort n'arrive plus à se détacher de l'objet. C'est une espèce de saisie, en pali on dit « upadana ». Si vous n'avez pas cet objet, vous êtes malheureux, vous ne pouvez plus vivre sans cet objet, vous y êtes très attaché, c'est Upadana. Il faut donc comprendre qu'il y a deux formes de désir. Si vous voulez vivre heureux et en paix, il faudra donc diminuer le désir, la colère et l'ignorance en vous. L'ignorance, c'est l'indécision. La personne n'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal. Si possible, il faut s'en débarrasser complètement. Vous aurez alors atteint l'état d'arhat. Quand on pratique la méditation vipassana, on s'efforce donc de réduire les impuretés mentales, éventuellement de s'en débarrasser complètement. Comment va-t-on procéder? Le yogi le sait, il doit noter tout ce qui se manifeste en lui à chaque instant aux 6 portes sensorielles. Les instructions sont très faciles. Vous les connaissez, vous les avez très souvent entendues. Le yogi doit noter tout ce qui se manifeste en lui aux 6 portes sensorielles. Dès qu'un objet visible entre en contact avec l'œil, il doit noter « voir ». Dès qu'un son entre en contact avec son oreille, il doit noter « entendre ». Mais s'il n'y a pas d'objet visible qui entre en contact avec l'œil, il ne doit pas noter « voir ». Et c'est la même chose pour les autres portes sensorielles. Il ne doit noter que s'il y a contact entre ces choses. Si nous ne notons pas l'objet à l'instant précis où il se manifeste, autrement dit, si nous ne sommes pas attentifs, il est inévitable que le désir se manifeste dans l'esprit ou dans le cœur. Le désir, c'est tanha. Ce sera parfois la saisie, upadana. Si ces choses se manifestent dans notre esprit, nous ne pourrons pas être heureux, nous ne pourrons pas être en paix. Au contraire, ce sera l'inquiétude, la peur, etc., qui vont faire leur apparition au moment précis où l'image se manifeste, au moment précis où on entend. C'est de cette façon que les impuretés, les pollutions pénètrent dans l'esprit. Si nous ne réussissons pas à être attentifs dans l'instant présent, au moment de voir, au moment de sentir, au moment de goûter, ou bien tout simplement au moment où nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il est inévitable que l'esprit aille au passé. Dans le passé, nous avons eu beaucoup d'expériences, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons entendu, nous avons senti, nous avons mangé, nous avons eu des contacts physiques et nous avons eu des pensées. Il y a donc eu beaucoup d'expériences dans le passé qui nous sont venues par les 6 sens. Si nous ne sommes pas attentifs à ce qui se passe en nous à chaque instant, l'esprit va donc inévitablement retourner au passé. Car l'esprit n'est pas facile à contrôler. Le Bouddha nous demande de ne pas laisser aller notre esprit dans le passé. Mais c'est très difficile, car l'esprit est difficile à contrôler. Très souvent donc, notre esprit va se retrouver dans le passé. Ceci va amener toutes sortes de pensées, et toutes sortes de choses vont se manifester, des choses qui ne sont pas la réalité. Elles vont se manifester en imagination. Et nous ne pourrons dès lors pas vivre ni heureux ni en paix. L'esprit ne reste donc pas dans l'instant présent, il va dans le passé. Si l'objet est agréable, le désir va forcément apparaître et éventuellement l'attachement, si l'objet est très agréable. L'attachement, c'est donc un désir très fort. Il n'est pas possible de s'en débarrasser. Mais si l'expérience est négative, que l'objet est négatif, c'est la colère qui va se manifester. Il y a donc plusieurs sortes d'attachements, de désirs. Le désir pour les visions, le désir pour les sons, pour les odeurs, pour les goûts, pour les touchers et pour les pensées. Tant que ces désirs seront en nous, il ne sera pas possible de vivre heureux et en paix. Si donc votre esprit s'en va dans le passé, vous devez noter. Parfois, l'esprit ira au futur. il fait des plans, il imagine toutes sortes de choses pour le futur. Le méditant ne le fait pas délibérément, mais son esprit va spontanément et de lui-même dans le futur. C'est pourquoi le Bouddha a dit que l'esprit n'est pas facile à contrôler, il n'est pas facile de maintenir l'esprit dans le présent. Si l'esprit ne reste pas dans l'instant présent, il ira forcément dans le futur. Le Bouddha nous recommande donc de faire un effort. Lorsqu'on pratique la méditation vipassana, il faut fournir un effort. Si on ne fournit pas cet effort, il ne sera pas possible de maintenir l'esprit dans le présent. Vous en êtes tous conscients. Vous êtes très attentifs au mouvement de l'abdomen, mais vous constatez que votre esprit ne reste pas fixé sur cet objet. Et plus vous essayez de le maintenir sur l'objet, mieux vous voyez le caractère sauvage de l'esprit, mieux vous comprenez la nature de l'esprit. Il s'en va, il s'envole toujours. La personne qui ne médite pas, qui ne pratique pas la méditation vipassana, ne sait rien de son esprit. Elle ne sait pas comment son esprit fonctionne. Mais le yogi, qui médite de façon diligente, comprend qu'il n'est pas facile de contrôler l'esprit, il n'est pas facile de le maintenir dans l'instant présent. Si l'esprit n'est pas maintenu dans le présent, il ira forcément dans le futur. Il va alors se mettre à imaginer toutes sortes de choses. La personne commence à penser à sa santé, à l'éducation, aux affaires, et automatiquement, l'inquiétude apparaît, éventuellement le désir. Si ces choses se manifestent dans l'esprit, on ne se sent pas heureux, on ne se sent pas en paix. Il est possible également de rester dans l'instant présent, mais sans attention. Si donc nous sommes dans l'instant présent, mais sans être attentifs, nous ne pourrons pas non plus éliminer les impuretés. Imaginons par exemple que nous voyons quelque chose. Cet objet est agréable et automatiquement, si nous ne notons pas voir, le désir va se manifester. Si l'objet est désagréable et que nous ne notons pas, c'est l'aversion qui va se manifester. Si nous avons du désir ou de l'aversion dans l'esprit, il n'est pas possible de vivre heureux et en paix. Nous devrons donc apprendre à rester dans l'instant présent avec subtile attention. De cette façon, nous allons réussir à nous débarrasser des pollutions. Les yogis essayent d'être dans l'instant présent. Avec l'attention. Il note tout ce qui se manifeste à chaque instant, aussi porte sensorielle. Mais il n'est pas possible de noter sans arrêt. C'est la raison pour laquelle on se choisit un objet primaire d'attention. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sont toujours présents en nous, alors que les autres objets, comme les visions, les odeurs, les sons, les touchés, les pensées ne sont pas toujours avec nous. Les mouvements de l'abdomen sont donc toujours là. Lorsque vous notez soulèvement, vous sentez l'abdomen qui monte. Lorsque vous notez abaissement, vous sentez l'abdomen qui s'abaisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'air dans le ventre. L'air pousse l'abdomen vers le haut et ensuite le pousse vers le bas. C'est ce qu'on appelle en pali fasa, le contact. Ce n'est peut-être pas facile de comprendre de quoi il s'agit avec les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen parce que ces mouvements n'ont rien de particulier. Mais il faut cependant savoir que si vous observez attentivement et dans l'instant présent ces mouvements, vous n'allez plus les interpréter subjectivement en pensant par exemple « c'est mon abdomen qui se soulève », etc. Mais ceci n'est pas facile à comprendre. Lorsqu'il y a une vision, qu'on voit un objet visible en imagination, et que l'attention est développée, que l'esprit est bien concentré, il est possible que ces visions soient positives, il est possible que ces visions soient négatives. Un méditant qui est donc bien concentré et dont l'attention est développée peut parfois voir des images comme des bouddhas, des déités, des moines, des stupas. Ceci est tout simplement dû à sa forte concentration. Si ces images se manifestent dans son esprit et qu'il ne note pas voir, la dévotion va se manifester et ce méditant va se sentir heureux. L'attachement pourrait alors surgir. Si l'objet est désagréable, parfois un méditant bien concentré peut voir des cadavres, des têtes coupées, etc. Forcément, c'est la peur qui va s'introduire dans son esprit. Il faut donc noter, voir, au moment précis où ces images se manifestent. Si l'attention est continue, si l'esprit est concentré, un méditant peut noter facilement, voir au moment où la vision se manifeste et il constate que cette vision disparaît au moment où il la note. C'est de cette façon qu'un méditant qui a une forte attention et une forte concentration peut réussir à gérer facilement ses émotions. Et c'est la même chose pour les sons. Si votre esprit est bien concentré, que vous êtes attentif et que vous notez entendre au moment précis où le son se manifeste, vous verrez qu'il disparaît. Si donc vous êtes très attentif, l'attachement ne se manifeste pas en vous lorsque vous entendez un son. Il n'y a pas d'inquiétude, pas de désir. Vous vivez en paix, vous êtes heureux, au moment où vous notez avec précision. Comme vous le savez, la pratique de la méditation vipassana n'a pas uniquement pour but de vivre heureux et en paix. Ceci, ce n'est que le premier bénéfice de cette pratique. Le méditant qui réussit donc à noter attentivement et à rester dans l'instant présent va développer la compréhension. Il va comprendre de plus en plus clairement les choses telles qu'elles sont réellement. Il verra que les visions ne durent pas. Il verra que l'esprit qui note ces visions ne dure pas non plus. Une nouvelle vision apparaît, il la note et il voit qu'elle ne dure pas. Un nouvel esprit qui note cette nouvelle vision apparaît et il voit que ce nouvel esprit ne dure pas non plus. Un yogi qui est donc très attentif comprend clairement anicca l'impermanence, dukkha l'insatisfaction et anatta le non-soi. Lorsqu'il sera devenu un arhat, ce méditant saura en quoi consiste le véritable bonheur, la véritable paix. On vous a souvent dit que l'esprit était difficile à contrôler, il est difficile de garder l'esprit, parce qu'il est très rapide. Le Bouddha nous dit qu'en un claquement de doigts, il y a des millions et des millions de moments de conscience. Mais grâce à notre pratique, nous pourrons tôt ou tard comprendre cet esprit. Nous essayons de pratiquer en suivant les instructions et nous essayons de maintenir notre esprit fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais nous devons bien constater qu'après quelques instants, il s'envole, il se met à penser. Parfois, nous restons dans ses pensées pendant 15 minutes, 30 minutes, parfois même 45 minutes. Et si la pensée est agréable, nous n'avons pas envie de l'abandonner, nous sommes paresseux. C'est pour cette raison que le Bouddha nous demande de fournir un effort, d'être toujours vigilants. Si nous ne fournissons pas cet effort, si nous ne développons pas notre attention, nous ne pourrons pas voir ces pensées. Mais plus nous fournirons d'efforts, plus nous serons en mesure de voir les pensées, et cela ira de plus en plus vite. Finalement, on pourra même voir le moment où l'esprit s'apprête à penser. Ceci, c'est la force de l'attention. Cette force de l'attention permet donc de contrôler l'esprit facilement. Le méditant reste dans l'instant présent. Il est intéressé par sa pratique parce qu'il a déjà fait, dans une certaine mesure, l'expérience de la paix de l'esprit grâce à l'attention. Le Bouddha nous recommande donc de ne pas être paresseux. Il s'adresse surtout aux moines qui vivaient à ses côtés. Moines, ne soyez pas paresseux. Soyez toujours vigilants. That's enough for today. May you be well and happy.